Va Bene, l'Algerino sur RGM, 8h36, passé de quelques secondes. On est toujours dans la matinale et on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 2 mai 1940, naissance de Paul Lederman, producteur de spectacles français, qui a notamment géré ou lancé les carrières de Claude François, Michel Polnareff, Mike Brandt, Thierry Leluron, Coluche ou encore Les Inconnus. 1946, naissance de David Suchet, acteur britannique connu pour avoir joué le rôle du détective belge Hercule Poirot dans la série du même nom de 1989 à 2013, et au cinéma on a pu le voir dans Braquage à l'anglaise. 1952, naissance de Christine Baranski, actrice américaine vue dans 9 semaines et demie dans le rôle de Théa, Les Valeurs de la famille Adams, Sex Intention dans le rôle de Bonnie Caldwell, Le Grinch dans le rôle de Martha May Wover, dans Chicago dans le rôle de Mary Sunshine, dans Mamma Mia dans le rôle de Tania. Elle reprendra d'ailleurs ce rôle dans le deuxième volet qui sortira cette année, vue dans Bad Moms 2 dans le rôle de Ruth, dans la série télé The Big Bang Theory dans le rôle du docteur Beverly Hofstadter, dans The Good Wife dans le rôle de Diane Lockhart, et elle reprend ce rôle dans la série The Good Fight depuis 2017. 1955, naissance de Donatella Versace, styliste italienne. 1961, naissance de Stephen Daldry, réalisateur et producteur anglais à qui l'on doit Billy Elliot, The Hours ou encore The Reader. 1962, naissance d'Elizabeth Berridge, actrice américaine connue pour son rôle de Constance Mozart dans le film Amadeus. C'est également l'année de naissance de Mitzi Kaptur, actrice américaine connue pour son rôle du sergent Rita Lee Lance dans Les Dessous de Palm Beach, vue dans Alerte à Malibu dans le rôle d'Alex Ricker, ou encore dans Les Feux de l'amour dans le rôle d'Anita Hodge. 1964, naissance de Yann Kounen, réalisateur français à qui l'on doit Doberman, 99 francs, ou encore Coco Chanel et Igor Stravinsky. 1972, naissance de Dwayne Johnson, catcheur et acteur américain, vu dans Le Retour de la Momie dans le rôle du Roi Scorpion, vu dans Le Roi Scorpion dans le rôle de Matthäus, le Roi Scorpion, connu pour son rôle de l'agent Luke Hobbs dans Fast and Furious 5, 6, 7 et 8, vu dans G.I. Joe Conspiration dans le rôle du sergent-major Marvin Hinton, vu dans Hercule dans le rôle d'Hercule, dans San Andreas dans le rôle de Ray Gaines, dans Baywatch Alerte à Malibu dans le rôle de Mitch Buchanan, dans Jumanji Bienvenue dans la Jungle dans le rôle du docteur Smolder Braveston. Il est aujourd'hui au cinéma, et oui, le film sort aujourd'hui, ça s'appelle Rampage, hors de contrôle. Il interprète le rôle de Davis Okoye. Un film un petit peu bizarre, entre Godzilla, King Kong, on ne sait pas très bien, enfin, ça paraît bizarre, mais bon, on ne sait jamais. 1973, naissance de Florian Henkel von Donnersmarck, réalisateur, scénariste allemand. J'espère que je n'ai pas trop mal prononcé son nom, vous m'excuserez, je n'ai pas fait allemand. On lui doit La vie des eaux, où il est également scénariste et coproducteur, et il a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et le César du meilleur film étranger. Et on lui doit également The Tourist, où il est également scénariste. 1974, naissance de James Thierry, acteur suisse vu dans Le Bossu, 18 ans après Chocolat dans le rôle de Footit, qui lui a valu le César du meilleur acteur dans un second rôle. 1975, naissance de David Beckham, ancien footballeur anglais qui a fait carrière de 1992 à 2013 en jouant à Manchester United, à Princeton, au Real Madrid, au Los Angeles Galaxy, au Milan AC, et il a terminé sa carrière comme il le souhaitait en jouant au Paris Saint-Germain. 1981, naissance de l'Algerino, rappeur français. C'est également l'année de naissance de Thiago, ancien footballeur portugais, qui a fait carrière de 1999 à 2017 en jouant au Sporting Braga, au Benfica Lisbonne, à Chelsea, à Lyon, à la Juventus de Turin, à l'Atlético Madrid, et il est maintenant entraîneur adjoint justement de l'Atlético. 1982, naissance de Laure Pester, plus connue sous le nom de Laurie, chanteuse actrice française vue dans les téléfilms de Feu et de Glace, Un mari de trop, apparue dans Les Feux de l'amour, Joséphine Ange gardien. Depuis 2017, elle joue le rôle de Lucy Salducci dans la saga Demain nous appartient. 1985, naissance de Lily Allen, chanteuse anglaise. 1990, naissance de Kay Panabaker, actrice américaine, vue dans 7 à la maison, Medium, Summerland dans le rôle de Nikki Westerly, Fil du futur dans le rôle de Debbie Berwick, Les Experts dans le rôle de Lindsay Willows ou encore Grey's Anatomy. 2015, naissance de Charlotte de Cambridge, membre de la famille royale britannique, fille du prince William, duc de Cambridge, et de son épouse Kate Middleton, la duchesse de Cambridge. Liège. En 1519, décédé Léonard de Vinci, peintre florentin, homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Rien que ça. Et on lui doit notamment la Joconde ou encore la Seine. En 1857, décédé Alfred de Musset, écrivain français à qui l'on doit les Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l'amour ou encore La confession d'un enfant du siècle. 1999, décédé Oliver Reed, acteur britannique, vu dans Les Trois Mousquetaires, On l'appelait Milady et Le retour des Mousquetaires dans le rôle d'Athos ou encore dans le film Gladiator dans le rôle de Proximo. En 2004, décédé Paul Guimard, écrivain français. En 2005, décédé Bob Hunter, journaliste canadien, fondateur de Greenpeace. Et en 2010, décédé Lynn Redgrave, actrice anglaise, vue dans la série Colorado dans le rôle de Charlotte Buckland-Succombe, L'île fantastique, Desperate Housewives ou encore Ugly Betty. Avant de faire une pause musicale, on va parler des sorties cinéma. Comme tous les mercredis, on commence avec un film d'épouvante, Action ou vérité de Jeff Wadlow avec Lucy Hall, Tyler Posey ou encore Violette Bean. Autre film, celui avec Dwayne Johnson, Rampage hors de contrôle, aventure de Brad Peyton, donc avec Dwayne Johnson, aux côtés de Naomi Harris ou encore Malin Ackerman. Autre film, MILF Comédie, le premier film réalisé par Axel Lafont. Elle joue également dans ce film aux côtés de Virginie Ledoyen ou encore Marie-Josée Croze. Et enfin, dernier film, Comme des Rois, comédie dramatique de Xabi Molia avec Cadmerade, Cassemoté Klein et Sylvie Testu. Allez, petite pause musicale avec Laurie Lorpester qui nous revient avec un nouvel album, de nouveaux titres, et celui-ci s'intitule La vie est belle. Si mes chansons parlent de toi, c'est que j'ai le cœur à la fête. Quand je regarde autour de moi, s'aligner enfin les planètes. Si mes chansons saignent parfois, c'est pour ce que l'amour nous rend bête. Et tout ce qu'il nous remplit de joie. Après celle-ci, promis, j'arrête. Il disait, méfie-toi. Le mieux est l'ennemi du bien. Je réponds depuis toi que le bien mieux n'est l'ennemi de rien. Environ toutes les 10 secondes, c'est que je ne comprends toujours pas comment le reste du monde peut se passer de tes bras, de ton courage, de tes baisers. Dans un refrain de toi et moi, je viendrai rallumer l'été. Il disait, méfie-toi. Le mieux est l'ennemi du bien. Je réponds. Bien mieux, mais l'ennemi de rien. La vie est belle, Laurie Pester sur le 107 FM. Eh bien, il est pas mal du tout, son nouveau titre. J'aime bien. Allez, il est presque 8h47 et on parle météo. La météo. Alors, pour le moment, c'est plutôt couvert. Hein. On voit pas trop le soleil. Hein. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, à Saint-Étienne-lès-Mirmont, il y a beaucoup de nuages dans le ciel. Mais normalement, pas de panique. Hein. Le soleil sera bien parmi nous aujourd'hui. Des températures qui sont fraîches hein, ce matin, on va pas se mentir. Elles sont comprises entre 4 et 5 degrés. Cet après-midi, elles seront comprises entre 14 et 16 degrés. Donc, s'il y a du soleil, ça va être agréable pour un 2 mai. Jeudi, soleil avec quelques nuages. Des températures qui vont augmenter un tout petit peu le matin. Elles seront comprises entre 7 et 8 degrés, entre 13 et 15 degrés pour demain après-midi. Pour vendredi, du soleil, normalement pas beaucoup de nuages, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévues pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec du football, avec la Ligue des Champions et la première demi-finale retour qui opposait le Real Madrid au Bayern Munich. Et si vous étiez avec moi en tout début d'émission, vous aurez donc compris hein, que c'était le Real qui s'était qualifié, puisque je vous ai dit que c'était la fête à Madrid. Malgré leur match nul, hein, 2-2 face aux Allemands, avec un doublé de Karim Benzema, et bien le Real Madrid s'est qualifié pour sa 3e finale consécutive. On connaîtra leur adversaire ce soir avec l'autre demi-finale retour qui va opposer l'AS Rome à Liverpool. Du côté de chez nous, en National 2, Épinal reçoit ce soir l'équipe 2 du Paris Saint-Germain. On va faire un point sur les playoffs NBA. Que s'est-il passé ? Eh bien donc, ce sont les quarts de finale et les Golden State Warriors mènent leur série 2-0 face à la Nouvelle-Orléans. L'Utah Jazz de Rudy Gobert est mené 1-0 face à Houston. L'équipe de Boston de Yabusele mène sa série 1-0 face à Philadelphie de Lou Okabaro et Cleveland mène sa série 1-0 face à Toronto. En hockey sur glace, playoff NHL, ce sont également les quarts de finale. L'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar mène sa série 2-1 face à San Jose. L'équipe de Winnipeg mène sa série 2-1 face à Nashville. L'équipe de Washington mène 2-1 face à Pittsburgh et Tampa Bay et Boston sont à égalité 1-1. Et on va parler de l'équipe de France qui va d'ailleurs bientôt démarrer son championnat du monde à Copenhague. Ce sera pour la France le premier match vendredi après-midi. Et bien dans les derniers matchs de préparation, c'était contre la Slovaquie en fin de semaine dernière. Et bien la France s'est inclinée 4-0 vendredi et s'est imposée 3-2 samedi. Et l'équipe de France qui est arrivée donc à Copenhague hier, hein, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux de certains joueur de l'équipe de France. Donc on fera un point complet hein, sur les championnats du monde de l'équipe de France dans la matinale de vendredi. Et on va terminer avec du tennis et notamment la victoire au tournoi d'Istanbul de Pauline Parmentier la semaine dernière. Et Rafael Nadal lui a remporté son 11e titre au tournoi de Barcelone. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale et on va sourire avec Smile, le titre de Lily Allen. What'd you do that for? got my mental health. I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling. Lily Allen sur RGM, presque 8h54, on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors à 9h ce sera Regarde ailleurs, à 13h30 la rediffusion des clés du succès, avec Amadou qui nous parle de la tribu de Dana, 14h portrait civique, 16h vous retrouverez toute l'équipe de 90 minutes pour Boomerang, 18h l'heure des loups avec Lou consacrée au club d'artistes, c'est un club de fléchettes, 21h ce sera la rediffusion soit de Vincent, soit de François, et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.